Ghetto ghetto rockstar. SB. Les rôdeurs. Original, Punisher, Prost, bande d'enfoirés. Wesh Pierrot, ça dit quoi? Diversion studio. Ok. Toujours avec le fond, la forme. Ta passe du rap conscient en rock vénère. Mon nom sur la pochette, pas dans le livret de famille en rock vénère. J'ai passé là, j'évite les endroits louches où les jeunes smoke. Je sais que l'hiver arrive. J'aiguise mon style au bic à la Jon Snow. J'ai mal au crâne, je ne sais même plus de quoi j'ai rêvé la veille. Quand l'espoir saigne, j'ai pas vraiment la tête à faire la fête. Inspiration morbide sur l'astru, j'ai fui la tristesse. Mais que les faux rois du rap finiront tous comme Jeffrey Lannister. Je traverse les marécages, mon vécu pour noircir les pages. Guidé par les étoiles, l'inspiration limitée par les marges. Ce n'est pas la joie, mais je vois pas mon rap comme un cri d'alerte. C'est mort pour la vie de rêve, avant que je fabrique de la cristal. Je peux pas dormir la nuit en bas de chez moi, les soulards crient. Il faut que je me soulage vite, ça descendra au studio sous la pluie. Ça traverse l'Atlantique sur un radeau comme Jericho. Les rôdeurs sur l'instru, un cocktail molotov au Chirico. D'un bout à l'autre, on a les mêmes rêves, les mêmes pressions, les mêmes buts, les mêmes gars pour les mêmes raisons. C'est rare qu'on perd quand on s'aide. Les rôdeurs, un rêve dans un rêve, ça c'est un insert. D'un bout à l'autre, on a les mêmes rêves, les mêmes pressions, les mêmes buts, les mêmes gars pour les mêmes raisons. C'est rare qu'on perd quand on s'aide. Les rôdeurs, un rêve dans un rêve, ça c'est une exception. Moi et mes rêves d'enfant, je serais pas étonné qu'on crève ensemble. On est conscient de la vie, mais on contemple l'avenir très lentement. Présentement, j'aurais l'âge d'accomplir de vrais changements. Mais j'aime bien l'illusion de penser qu'ils vont bouger la tête en France. Ironique de dire que mes rêves me gardent éveillé. Non, je suis pas libre car nos payes ont la durée d'une carte prépayée. Effrayée par les zombies créés par la routine, elles veulent tout essayer. C'est le nouveau slogan de l'amour libre à nos risques. Mais si on vise trop haut, ça semble grotesque. Le top de la vie d'artiste pour moi, c'est mourir dans une chambre d'hôtel. On sent nos textes, les rêves redonnent la force aux gens trop faibles. On le fait pour le plaisir. Faut pas penser que le rap compense nos pertiens. C'est drôle comme les grandes gueules qui promettent bien des choses. Des fois je m'interroge à savoir si je finirai sain et sauf. Putain des potes, du coca au frais. Donne-moi ce qui reste avant que mes rêves se voient réserver le sort de Glenn dans Walking Dead. D'un bout à l'autre, on a les mêmes rêves, les mêmes pressions, les mêmes buts, les mêmes gars pour les mêmes raisons. C'est rare qu'on perd quand on s'aide. Les rôdeurs, un rêve dans un rêve, ça c'est un inception. D'un bout à l'autre, on a les mêmes rêves, les mêmes pressions, les mêmes buts, les mêmes gars pour les mêmes raisons. C'est rare qu'on perd quand on s'aide. Les rôdeurs, un rêve dans un rêve, ça c'est un inception. Un rêve dans un rêve, ça c'est un inception.